Planète Revisitée, la nouvelle arche, c'est le programme qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver nos invités du jour, eh bien, c'est la semaine des Nobel. Et après le Nobel de médecine hier, c'est celui de physique qui a été attribué tout à l'heure à trois chercheurs américains, Rainer Weiss d'origine allemande, Kip Thorne et Barry Barish, pour leurs travaux sur les ondes gravitationnelles. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et donc après la médaille d'or du CNRS attribuée la semaine dernière à Thibaut Damour et Alain Brillet, 2017 est donc l'année des ondes gravitationnelles. Effectivement, puisque ces trois chercheurs américains qui ont reçu le Nobel ont contribué à la détection d'ondes gravitationnelles, ces fameuses déformations de l'espace-temps causées, entre autres, par la fusion, il y a plus d'un milliard d'années, de deux trous noirs. L'existence de ces ondes, on le sait, avait été prédite par Einstein il y a 100 ans, mais le physicien ne croyait alors pas qu'on puisse un jour les détecter. L'histoire lui a donné tort, puisqu'en 2015, l'interféromètre LIGO, installé aux États-Unis, détectait pour la toute première fois des ondes gravitationnelles. Depuis 2015, des ondes gravitationnelles ont été repérées à 4 reprises. La dernière détection date du mois d'août. Elle a été annoncée la semaine dernière. Cette détection a été faite grâce aux trois grands interféromètres européens Virgo et aux deux instruments du LIGO. Ils ont détecté une onde gravitationnelle issue de la fusion de deux trous noirs il y a 1,8 milliard d'années. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ce prix Nobel de physique, écoutez Thibaut Damour, qui est physicien et professeur à l'Institut des hautes études scientifiques. Hasard du calendrier ou non, vous le disiez Nicolas, Thibaut Damour recevait la semaine dernière avec Alain Brillet la médaille d'or du CNRS pour leur contribution à la détection des ondes gravitationnelles. Einstein nous dit que l'espace n'est pas une structure rigide, mais comme de la gelée de veau et un milieu élastique. Et une onde gravitationnelle, c'est une onde de vibration de cet espace élastique einsteinien. Et les ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois en septembre 2015 grâce à d'immenses interféromètres, c'est-à-dire des grands tubes dans lesquels on fait le vide et dans lesquels la lumière circule. Il y avait à l'époque deux détecteurs qui marchaient aux États-Unis. Maintenant, il y a un troisième détecteur qui marche en Europe. Et l'influence de l'onde gravitationnelle, de la vibration de l'espace sur la propagation de la lumière à l'intérieur de l'interféromètre a permis de montrer que les ondes gravitationnelles étaient passées sur Terre. Les ondes gravitationnelles sont émises par des grosses masses qui bougent très vite, mais ces grosses masses, dans ce cas-là, c'était deux trous noirs de 30 masses solaires qui étaient situés très loin, et on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait des tellement plus proches, des trous noirs, à un milliard d'années-lumière, et du coup, le signal est très amorti à cause de la grande distance de propagation et quand il arrive sur Terre, il fait bouger les miroirs sur lesquels se réfléchit la lumière dans l'interféromètre du milliardième de la taille d'un atome. Donc c'est quelque chose de pratiquement inconcevable qu'on ait pu le détecter, mais les détecteurs sont si sensibles qu'ils l'ont vu. L'apport principal de Kip Thorne a été d'avoir la vision que ça allait être important pour créer une nouvelle astronomie, de détecter les ondes gravitationnelles, et ça, très tôt, à la fin des années 70, il a poussé aux États-Unis pour la création de détecteurs, et il a aussi indiqué qu'il y aurait des sources intéressantes possibles, comme des systèmes binaires d'étoiles à neutrons, puis de trous noirs. La contribution essentielle de Ray Weiss a été de faire une analyse du fonctionnement et des sources de bruit qui limitent la sensibilité d'un interféromètre, et grâce à ça, il a été le premier à montrer qu'effectivement, un interféromètre allait pouvoir détecter des ondes gravitationnelles aussi faibles. Et l'apport principal de Barry Barish, c'est qu'il a été le premier chef du groupe de milliers de physiciens aux États-Unis qui ont travaillé sur l'expérience pour arriver à faire travailler ensemble des centaines de personnes et à faire que l'expérience atteigne maturité en un temps fini. Donc il a eu un rôle de manager avec une vision scientifique. Les rumeurs disent que le 16 octobre va être annoncée une cinquième détection faite par l'ensemble des deux détecteurs LIGO et de Virgo qui, d'après ce qu'on dit, devrait encore apporter quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire une source qu'on n'a pas encore détectée jusqu'à présent. Attendons le 16 octobre. Les détecteurs actuellement, à la fois américains et européens, sont à l'arrêt, c'est-à-dire ils ont arrêté de fonctionner parce qu'ils rentrent dans une phase d'amélioration de sensibilité Et dans un an écart, un an et demi, ils reprendront des données. Et là, il y aura beaucoup plus de sources détectées, sans doute. La détection de plus de coalescences de trous noirs, qui ont été les sources annoncées jusqu'à présent, est importante pour tester et comprendre la théorie d'Einstein en champ fort, et aussi pour comprendre la statistique de formation de systèmes binaires dans des galaxies. Et on espère que bientôt sera aperçu des ondes gravitationnelles émises par la coalescence de deux étoiles à neutrons. Dans ce cas-là, ce qui serait particulièrement intéressant, c'est que on puisse voir à la fois un signal d'onde gravitationnelle et le signal électromagnétique associé, parce que quand deux trous noirs fusionnent, il n'y a pas d'onde électromagnétique émise, alors que quand deux étoiles à neutrons fusionnent, on s'attend à ce que ça émette des ondes électromagnétiques sous forme de rayons gamma, de rayons X, puis d'optique. Et ça, ça sera vraiment une nouvelle astronomie combinée ondes gravitationnelles, ondes électromagnétiques. Voilà, Thibaut Damour, médaille d'or du CNRS, pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles qui commentaient donc l'attribution du prix Nobel de physique 2017 à trois chercheurs américains, Rainer Weiss, Kip Thorne et Barry Barish, justement pour leurs travaux sur les ondes gravitationnelles. On se retrouve donc demain en début d'émission pour le dernier prix Nobel scientifique de la semaine. Ce sera demain donc le prix Nobel de chimie. Rendez-vous à 16h en début d'émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous allons donc parler tout au long de cette heure de naturalisme et de biodiversité, puisque nous avons la chance d'avoir deux de ces néo-naturalistes, les nouveaux explorateurs, membres de l'expédition La Planète Revisitée, dans le studio de France Culture, ici à la Maison de la Radio. Bonjour Olivier Pascal. Bonjour. Vous êtes botaniste, responsable du volet terrestre de La Planète Revisitée. Bonjour Philippe Bouchet. Bonjour. Biologiste marin, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et responsable d'expédition pour La Planète Revisitée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous signale évidemment, comme chaque jour, que vous pouvez suivre en direct notre émission, tant sur les ondes que sur notre fil Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors on va commencer par une question, ma foi, relativement simple. Qu'est-ce que c'est que La Planète Revisitée, Philippe Bouchet ? La Planète Revisitée, comme son nom l'indique, moi je dirais que depuis le milieu du 19e siècle, les naturalistes n'ont jamais cessé d'aller sur le terrain. On est arrivé vers la fin du XXe siècle avec cette certitude que, bon, on avait somme toute fait le tour de la question et que, certes, il restait encore quelques petits coins de biodiversité à explorer à la surface de la planète, mais que, en gros, l'essentiel était connu. Et puis, patatras, arrive, on va dire, les années 1980. Et les entomologistes se rendent compte que l'essentiel de la diversité des insectes est présente dans la canopée, donc des forêts tropicales, avec une diversité qu'on ne soupçonnait pas du tout. Pléthorique. Voilà. Et donc, il y a des articles qui, à l'époque, ont paru, qui disaient, voilà, il y a 30 millions d'espèces d'arthropodes, d'insectes, dans la canopée des forêts tropicales. Et puis d'autres qui ont dit, bon, on ne sait pas exactement, mais allez, c'est au moins 15 et peut-être 90. Bon, aujourd'hui, le consensus est plutôt à dire qu'il y a 5, 6 espèces de millions d'arthropodes dans les forêts tropicales, mais il n'y a pas que des arthropodes à la surface de la planète. On pense qu'il y a probablement 2 millions d'espèces dans les océans. On en connaît 240 000, etc. Donc on est arrivé à la fin du 20e siècle avec un nouveau regard sur l'exploration de la planète. Et puis, avec des nouveaux outils, il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'imagerie numérique. Il y a 20 ans, le séquençage de l'ADN était quelque chose de coûteux. Voilà, donc La Planète Revisitée, c'est en gros avoir la même fraîcheur et la même curiosité d'exploration de la planète que nos prédécesseurs à la fin du 19e siècle. Mais en même temps, je dirais, avec ce nouveau regard, ces nouveaux outils, dans un contexte qui est celui de la sixième extinction. Et sans astrologue. Et sans astrologue. Sans astronome, c'est ce que c'était mon erreur de la présentation de cette émission. Quand commence l'aventure, Olivier Pascal, de la planète revisitée, quels sont les organismes qui ont créé cette entité qu'est la planète revisitée? Racontez-nous un peu l'historique, puisque l'expédition dont nous allons parler, que vous allez rejoindre dans peu de temps en Nouvelle-Calédonie, est déjà la cinquième. Vous voulez l'histoire officielle ou la vraie histoire? Oh, je veux bien la vraie histoire. La vraie histoire, mais les organismes qui ont démarré ce projet, vous les avez devant vous. C'est des organismes humains, pas tellement scientifiques en fait. Il s'appelle Philippe Boucher, qui m'a contacté il y a une douzaine d'années, parce que Philippe montait des opérations dans son coin, on va dire, d'une certaine ampleur d'exploration des fonds marins, donc de biologie marine, et moi je montais des opérations plutôt tournées vers les forêts tropicales. Et on s'est rencontrés, grâce d'ailleurs à Odile Poncy du Muséum, qui nous a mis en relation tout bêtement. Et voilà, donc c'est d'abord une histoire, je dirais, une histoire de bonhomme. Mm-hmm. Et puis ensuite, évidemment... Et de bonne femme, manifestement. Et de bonne femme. Mm-hmm. Et on met tout ça en forme, on fait du packaging. Et puis on se décide à faire un test qui s'appelle Santo 2006, qui est une île de taille assez moyenne au Vanuatu. Et on se dit, bon, on va essayer de monter quelque chose ensemble pour voir si on fait des économies d'échelle ou si on monte une usine à gaz. Et puis ça a très bien fonctionné. Le modèle a satisfait nos organismes respectifs, donc le Muséum d'Histoire Naturelle et mon ONG Pronatora à l'époque. Et on a décidé de continuer parce que ça a été un succès. Sachant que, pour rebondir sur ce que disait Philippe, la taille de la biodiversité telle qu'elle a été découverte et comprise au XXe siècle, elle demande des moyens, du coup, un petit peu importants. Une mobilisation, une remobilisation de science et de savoir qui était considérée, en tout cas il y a une quinzaine d'années, comme un petit peu, on va dire, passéiste, obsolète. On parle de taxonomie, c'est pas un gros mot. Et voilà, donc il fallait remobiliser tout ça. Remobiliser tout ça, c'est dans une optique essentielle d'accélérer l'inventaire. S'il reste beaucoup plus de choses que prévu à découvrir... Et on en parlera tout à l'heure dans un contexte de dévastation de la planète. L'idée, c'est d'aller vite et d'aller plus vite que ce qu'on fait d'habitude. Que l'horloge tourne. Un mot, parce que vous venez de l'évoquer tout de même. Effectivement, paradoxalement, vous vous êtes rendu compte avec ce premier programme, cette expédition Santo sur l'île d'Espirito Santo au Vanuatu, que finalement, plus on agrégeait de monde et plus c'était simple que des petites expéditions fauchées. Finalement, il y a eu un effet d'échelle qui a été conclusif très rapidement. Alors, il y a eu un effet d'échelle à tous les niveaux. La recherche de financement, la logistique, je dirais aussi les relations avec les pays hôtes. Aujourd'hui, dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique et son avatar contemporain, le protocole de Nagoya, les scientifiques ne débarquent plus comme ça dans les pays tiers. En gros, il y a tout un... Le projet doit devenir un projet commun avec le pays hôte, avoir des permis, être transparent. Bon, tout ça demande un investissement et un savoir-faire que les missions individuelles que les naturalistes avaient l'habitude de faire, bon, vous pouvez être le meilleur spécialiste de tel groupe de moucherons, et puis en même temps, ben, ne pas être un négociateur, ne pas aimer perdre du temps, entre guillemets, dans les bureaux à Jakarta ou à Port Moresby, etc. Mais tout ça, c'est indispensable. Vous devez quitter le pays, je dirais, en n'ayant pas laissé des casseroles derrière vous. Pour les autres scientifiques, pour votre institution, pour votre pays. Et tout ça, les grosses expéditions rendent beaucoup plus facile ce respect des négociations, de l'accès à la biodiversité, des partenariats, de la formation, de la restitution. Alors, la difficulté, à vrai dire, de monter une grande expédition, c'est de combiner ce que je viens de décrire avec, malgré tout, le pif, l'intuition du chercheur, du naturaliste. Je dénigrais entre guillemets tout à l'heure le spécialiste du moucheron, mais ok, malgré tout, il n'a pas son égal sans doute pour avoir un flair, savoir où et comment on trouve son espèce. Donc la difficulté de l'exploration de la biodiversité, c'est cette nécessité de combiner une approche, on va dire, institutionnelle, qui a pignon sur rue, qui est politiquement acceptable, avec malgré tout l'individualisme. Des compétences des chercheurs. Voilà, mais même l'individualisme, je dirais, dans le sens un peu négatif. Mmh. C'est-à-dire, c'est, on a besoin d'eux en tant qu'individus, mais souvent, les gens ont des comportements aussi individualistes. Un mot pour dire, donc les deux tutelles sont, vous l'avez dit Olivier Pascal, le Muséum d'Histoire Naturelle et votre ONG Pro Natura International. Quels sont les termes que vous vous êtes fixés pour ces différentes missions? Quel est l'objectif, en résumé, en quelques mots, Philippe Boucher, de ces différentes expéditions Planète Revisitée? Je pointe du doigt peut-être des termes qu'il faut expliciter, c'est essentiellement dédié à la biodiversité négligée. Négligée. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité négligée? Eh ben, en gros, c'est ce que les autres ne font pas. C'est ce que la télé ne montre pas. On n'a pas besoin de grandes expéditions comme celles qu'on monte pour découvrir de nouveaux primates, pour découvrir, on va dire, de nouveaux cétacés ou de nouveaux oiseaux. Bon, je dirais que voilà, ça, c'est des objectifs bien rodés, très, très ciblés. Donc, notre cible à nous, c'est cette biodiversité négligée, c'est-à-dire sur Terre, on va dire les invertébrés, les insectes, dans la mer aussi les invertébrés, les mollusques, les crustacés, les algues, les échinodermes, enfin en gros, j'ai envie de dire, un peu tout sauf les vertébrés, qui par ailleurs, bon, disposent, allez, je dirais, d'un... On n'est plus dans les vertébrés, on n'est plus à... Il reste trois quarts des espèces à découvrir. On en est à... Il reste... Alors chez les oiseaux, allez, une à deux nouvelles espèces par an. Sur déjà plus de 10 000 connus. Donc on est en train de saturer l'échantillonnage. Après, c'est sûr, vous passez dans des groupes comme les grenouilles ou les poissons, bon, il reste encore, je dirais, tous les ans, il se décrit plus de 100 espèces dans chacun de ces groupes-là, et même plusieurs centaines dans le cas des poissons. Par contre, vous arrivez chez rien que les coléoptères, on découvre chaque année, et on décrit chaque année, pas loin de 4 000 nouvelles espèces de coléoptères. Donc c'est absolument phénoménal. C'est ça notre cible. Pourquoi revisiter Olivier Pascal ? Oh, ça c'était une petite plaisanterie, dans le sens on ne prétendait pas déjà la visiter, puisque ça a déjà été fait évidemment par de nombreux collègues pendant des dizaines et des dizaines d'années. Simplement revisiter dans le sens où à la fois on repasse sur des terrains qui étaient effectivement a priori bien ou pas mal connus, mais pour des groupes qui ne le sont pas du tout. Donc nous, on va fouiller réellement en profondeur cette petite faune, flore y compris, qui sont effectivement un petit peu, on va dire, qui n'ont pas le capital sympathie des mammifères, des oiseaux ou voilà des objets ou des animaux pour lesquels on a de l'empathie. Personne ne s'intéresse réellement à des scarabées ou à des... Oui. Les vers de terre. Vas-y. Ou des vers de terre. Terre. Voilà. la preuve que s'il y a... On l'a dit tout à l'heure, hein, donc Espiritu Santo, c'était en 2006, c'était la première mission. Il y en a eu donc quatre autres, dont une qui est encore en cours, dont vous nous parlerez tout à l'heure, en Nouvelle-Calédonie. Une en Mozambique, Madagascar, une en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une en Guyane et donc la Nouvelle-Calédonie. Quelque chose, peut-être un concept intéressant à détailler ou expliquer. Une notion, c'est celle des points chauds de la biodiversité. Qu'est-ce qu'un point chaud de la biodiversité, Olivier Pascal? Comment est-ce qu'il est défini? Qui alors, il pointe sur une carte? Je dirais qu'il a été défini il y a, au tournant des années 2000, hein, c'était un peu le passage du millénaire. Les grandes ONG de conservation se sont toutes un petit peu fendues, on va dire, de ce que les Américains appellent les images globales. Voilà, donc il fallait donner une espèce de sens un peu globalisant à tout ça. WWF a mis en place, a mis en place la notion de d'éco-région, donc était un petit peu moins sexy, on va dire, que les hotspots de biodiversité qui a été développé par Conservation Internationale, qui est une grande ONG de conservation américaine. Alors, leur idée à la base, c'était de dire, il y avait un petit côté pessimiste, les gars, on n'y arrivera pas, on va pas tout sauver, donc on va essayer de trouver... sur la planète, des endroits qui sont à la fois très les plus riches et les plus menacés, et on va se concentrer sur cela uniquement. Le reste, on le laisse tomber et on va faire la promotion de ces zones. Alors, ça a une réalité, évidemment, quand vous parlez de la bande dans la zone intertropicale, c'est là où vous allez trouver l'essentiel de la biodiversité mondiale, qu'elle soit en tout cas terrestre et je pense que marine également. Après, dans cette zone-là, vous avez des pays plus ou moins riches. Et dans ces pays-là, vous avez des régions et des zones qui le sont également plus ou moins. Donc on sait grossièrement là où il faut aller pour avoir, je dirais, le maximum de succès en termes de découverte et là où il y a le plus de manque en termes de connaissances. Donc ça, c'est notre grille un petit peu grossière de départ et ça nous donne aussi, je dirais, une grosse marge de manœuvre pour monter des opérations qui sont, il faut bien le dire, à la fois planifiées, mais également qui sont des opportunités liées à l'envie du moment, au contact, une relation, ah tiens, si on faisait quelque chose dans tel ou tel pays, je connais une université qui est prête à vous accueillir. Voilà, donc c'est un savant mélange, je dirais, de planification et d'opportunité, sachant que le terrain de jeu est très très vaste et qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Oui, parce que quand on parle de ces points chauds, de ces hotspots en anglais, ce ne sont pas des micro-zones géographiques. Par exemple, le bassin méditerranéen est un point chaud. Donc il y a des zones géographiques extrêmement étendues, Philippe oui, Boucher. En marin, ce qu'on appelle le Coral Triangle, qui comprend en gros toutes les Philippines, l'est de l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le triangle corallien, donc. Voilà, le triangle corallien, bon, c'est gigantesque. Hein. Mmh. C'est gigantesque. Mais en même temps, à la surface de la planète, c'est réduit. Voilà, c'est... Bon, on ne fait pas une expédition dans le triangle de corail. On fait une expédition à un endroit dans le triangle de corail. C'est absolument... C'est ce qu'on a fait, donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était un pays... bon, je pense qu'on est, parti peut-être plus... c'est peut-être une fierté un peu plus grande... La Papouasie-Nouvelle-Guinée était complètement en dehors, on va dire, de la sphère d'influence des institutions de recherche françaises. On n'a jamais travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est en gros la sphère d'influence de l'Australie. Mais bon, il y avait énormément à faire et on est parti vraiment de zéro en termes de montage institutionnel. Ce qui avait aussi un avantage, hein, c'est-à-dire que en termes de... on n'avait pas le péché originel de la colonisation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a été, au départ, ça a été difficile. On est parti vraiment en bas du mur avec des ministères qui nous disaient « Mais vous êtes qui ?» Ben, on est la même chose à Paris que l'Australian Museum à Sydney. Et c'est quoi l'Australian Museum ? En gros, c'est « Parlez-nous donc du WWF, de BBC Wildlife. » C'était ça, leur vision des gens qui allaient étudier la nature. Donc on a eu toute cette construction à faire. Ça a été pas facile au départ. La première expédition marine, on m'a dit, donnez-moi la liste des espèces, nom scientifique, nom commun, nombre de spécimens, âge et sexe des organismes que vous voulez récolter. Et je dis, mais on va faire précisément, on va explorer, on va faire des coups de chalut à 800 mètres de profondeur, on ne sait pas ce qu'on va sortir. Voilà. Bon, je me suis retrouvé malgré tout pour satisfaire aux demandes de permis, je me suis trouvé à faire une liste de familles de poissons, crustacés, mollusques, de nombre de genres, avec le nombre probable d'espèces, le nombre possible de spécimens que, compte tenu de nos expériences précédentes, qu'on allait trouver. Et puis ça a été, je sais pas, c'était un passage un peu initiatique. Une fois qu'on a eu pignon sur rue, qu'on est retourné en Papouasie-Nouvelle-Guinée, présenter des résultats, qu'on a impliqué les collègues de l'université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça a été facile. Ça a été un pays dans lequel on a fait plusieurs grandes opérations. Pendant 2 ans, rappelons-le, hein, de 2012-2013 de campagne. On a même commencé la première campagne Océano en 2010, et ça a duré jusqu'en 2014. Le point d'orgue, ça a été la grande expédition de Madang en 2012. Mais voilà, donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été... alors, la difficulté des expéditions, d'une certaine façon, c'est que on sait comment se comporter et comment avancer dans le pays quand on a fini. C'est toute la difficulté de ces opérations courtes dans le temps. Mais d'un autre côté, c'est leur côté restreint qui fait que on est capable d'intéresser des entreprises ou des fondations qui n'ont pas l'impression de mettre le doigt dans un engrenage où dans 10 ans ou dans 15 ans, ils y seront encore. Vous parliez peut-être un mot là-dessus, ça me paraît intéressant, du péché originel de la colonisation, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de travailler dans des pays qui sont d'anciennes colonies françaises. C'est plus difficile. Je veux dire, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, les autorités calédoniennes cherchent bien, qui ont la compétence hein, en matière d'environnement, de recherche, etc. Bon, c'est elles qui délivrent les permis. Et donc, il y a quelque part le désir normal. Ce sont des compétences qui n'existaient pas il y a 25 ans en Nouvelle-Calédonie. De montrer que non, les décisions ne se prennent pas à Paris. Elles se prennent à Koné ou elles se prennent à Nouméa. Ou elles se prennent à Lifou. Voilà, donc c'est... Non, il y a une difficulté. Ça, c'est des questions d'autonomie et d'autonomie régionale aussi qu'on peut entendre. Tout ça compte. Bien sûr. Un mot peut-être pour rappeler aussi, parce que quand on parle de biodiversité, on l'a évoqué un peu avec ces histoires de points chauds, mais il faut évoquer le fait que la biodiversité est très, très inégale et qu'elle se concentre très fortement à des endroits spécifiques. Justement, dans ces zones ou dans ces points chauds, Olivier Pascal, comment est-ce qu'on pointe sur la carte l'endroit où on veut aller? Est-ce que on y va parfois un peu avec le doigt mouillé, comme ça au hasard? Est-ce qu'on est guidé? Est-ce que ça demande énormément de travail préparatoire? Ça demande pas mal de travail, hein, d'abord de consultations, de collègues, de gens qui connaissent le terrain, le territoire. Donc ça s'appelle des longues discussions au coin de la cheminée, on va dire. Tout un travail de cartographie. Bon, moi, je suis plus particulièrement intéressé, et ça c'est... je dirais une tarte à la crème. Si on veut parler de concentration de biodiversité, on parle de forêt tropicale. Donc bien sûr. Ça, c'est ma spécialité. 85% des espèces de vertébrés, si je ne me trompe pas, à peu près. Voilà. Donc c'est mon objet. Et l'objet maintenant, enfin la difficulté surtout à l'heure actuelle, c'est de trouver des forêts tropicales en bon état. Et pas seulement en bon état, accessibles. Parce que qui dit accès, en général, dit route, dit piste, dit dégradation. Donc un des gros travaux maintenant, et merci aux outils informatiques hein, qu'on a, parce qu'on a des niveaux de précision et l'accès à des cartes satellites extraordinaires. Donc avec beaucoup de travail et d'habitude, on arrive à pointer du doigt en zoomant à voilà, ça cette région semble être intéressante, et puis on le vérifie, on croise les informations avec des gens qui connaissent le terrain, le pays ou la région concernée, et on arrive à trouver comme ça des endroits, je dirais, favorables. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, malheureusement ou heureusement, ils sont beaucoup très favorables partout. On va en parler dans un simplement, par exemple, on sait qu'en Guyane française, où on a été en 2015, bon, nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'aller dans des endroits où on ne va pas en routine. C'est-à-dire qu'il est pas la, c'est un petit peu pas la peine d'aller en Guyane pour travailler à un quart d'heure de Kourou ou de Cayenne. Il y a beaucoup de chercheurs en Guyane qui peuvent faire ce travail, je dirais, en routine. Donc, on essaye aussi dans ce genre d'opération d'aller dans des endroits un petit peu compliqués d'accès parce que. Voilà, les gens n'ont pas la chance d'y aller tout le temps. Donc là, on avait été au fin fond de la Guyane, dans les Mitaraka, pour aller travailler sur un terrain relativement peu visité par les biologistes. Un mot peut-être également pour boucler un peu ce premier contour descriptif de ces missions de la planète revisitée, sur cette notion même de biodiversité. C'est vrai qu'on en parle énormément, que c'est un mot qui est passé dans le langage courant, mais qui définit une réalité qu'on appelait autrefois nature, aussi bête que ce soit, Philippe Boucher, qui est une réalité assez complexe. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche des spots de diversité extrêmement foisonnants? La biodiversité regroupe plus que ce qu'on appelait dans le temps la nature. La nature, ou la faune et la flore, comme on disait dans le temps, je dirais, c'était plus les espèces. La nature, on va dire, c'est les paysages. La biodiversité, bon, ça aussi c'est une tarte à la crème, il y a les trois niveaux, celui des gènes, celui des espèces, celui des écosystèmes. Bon, il est clair que nous, dans la planète revisitée, ce qu'on vise, c'est le niveau des espèces. Voilà. Donc notre, On emploie le mot biodiversité parce qu'effectivement, c'est celui qui parle et qui permet de communiquer aujourd'hui. En fait, on aime bien parler de nature, nous aussi. Quand, en tant que naturaliste, finalement, on y trouve une certaine forme de logique et de collégialité. De biodiversité, vous acceptez cette définition communément employée qui est le constant mouvement des interrelations entre espèces, gènes, populations qui permettent à la vie d'exister face aux changements physico-chimiques du complexe Terre. Oula, oui. Bon. On peut l'accepter. Malheureusement, je ne sais pas qui pond ce genre de définition, mais si on veut un jour que les gens s'y intéressent un peu plus, il faudrait trouver, je pense, un vocabulaire un peu plus simple et surtout plus attractif. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Le naturaliste n'a pas l'âme triste, mais c'est un artiste des plus remarqués. Il a le cœur tendre, il a lu Cuvier, Chevreul et Linné, ainsi que Buffon. Il connaît à fond son joli métier. Un alligator est sur le chantier, il en apprécie toutes les qualités, le brillant des yeux, la couleur du ventre et l'écartement de ses doigts de pied. Quand on lui demande une salamandre, il ne répond pas. Est-ce pour vous chauffer? Oh, c'est un artiste des plus remarqués, le naturaliste qui fait le coin du quai. La passion qui mine ce fils de Darwin, c'est on le devine, de tout empaillé. Voyez ce lézard de Madagascar, et le léopard est tout tacheté. Inutile donc de le marchander. Mais un jour, hélas, devant un puma, il a rencontré la petite Emma. Ses cheveux dorés et sa gorge lisse l'ont ensorcelé comme au cinéma. Ah, pourquoi faut-il qu'Emma le trahisse avec un jeune homme de Yokohama? Dame, il est tout triste de se voir plaquer, le naturaliste qui fait le coin du quai. Bientôt, dans son âme, se prépare le drame pour punir l'infâme. Que va-t-il trouver? Le chant du guépard, c'est l'enfance de l'art. Il prend au hasard un ou deux pitons, les plante au plafond et va se cacher. Emma apparaît au bras de son amant. Ils n'ont pas le temps de faire leur testament. Dans l'arrière-boutique, vite, ils les emportent. Ils sont empaillés. En moins d'un instant, les voilà fixés tous deux à la porte, et ça fait venir des tas de clients, car c'est un artiste des plus remarqués, le naturaliste qui fait le coin du quai. Le naturaliste par Agnès Capri. Nous sommes en 1951. Aujourd'hui, nous sommes donc en 2017 et le métier de naturalisme a un tant soit peu évolué depuis 1951. Nous en parlons avec deux représentants de la planète revisitée, Olivier Pascal qui est botaniste et Philippe Bouchet qui est biologiste marin. On va parler de cette dernière mission de la planète revisitée, de cette dernière expédition qui est encore en cours en Nouvelle-Calédonie. Racontez-nous comment se sont passées ces deux premières ou dernières années, en tout cas, d'expédition en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les premiers résultats? Vous y étiez il y a pas peu de temps, vous y retournez dans quelques semaines. Philippe Alors, Boucher. La Nouvelle-Calédonie, c'est effectivement la planète revisitée. Les naturalistes, les botanistes en particulier, sont passionnés de Nouvelle-Calédonie depuis le milieu du 19e siècle. Je dirais qu'il y a probablement pas d'autres territoires dans le Pacifique Sud qui fait l'objet de manière aussi continue d'un flux de scientifiques, de naturalistes sur le terrain depuis plus de 100 ans. Et pour quelle raison? Je dirais que plus on cherche, plus on trouve. Plus on trouve, plus c'est un hotspot, plus c'est intéressant. Et d'une certaine façon, plus il y a déjà, plus il reste à découvrir. Donc on a fait en 2006 cette expédition à Santo, qui à l'échelle du globe est à côté dans l'arrière-cour de la Nouvelle-Calédonie, pratiquement. Dans l'archipel du Vanuatu. Dans l'archipel du Vanuatu. Qui était, avant l'expédition, je ne vais pas dire qu'il était terra incognita. Il n'y a pratiquement plus d'endroits à la surface de la planète qui sont complètement terra incognita, mais sur lesquels on partait de très loin. Et bien sûr qu'on a trouvé beaucoup de choses. Mais en termes de découverte d'espèces inconnues pour la science, on découvre davantage d'espèces en Nouvelle-Calédonie, malgré tout ce qu'on sait déjà, parce que la Nouvelle-Calédonie est une île ancienne. La chanson parlait tout à l'heure des enfants de Darwin. Mmh. Ben oui, je dirais. C'est ce qui me relie à cette époque-là. C'est 1951, oui, ça date, mais elle avait quand même déjà les enfants de Darwin. C'est assez remarquable. Mmh. Bon, voilà, donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une île dont on a longtemps dit « Ah, c'est un morceau de Gondwana, 180 millions d'années, enfin, etc. » Non, on sait aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie est passée au fond des océans il y a 60 millions d'années. Donc, toutes les ressources minérales qui font aujourd'hui la richesse économique de la Nouvelle-Calédonie, les mines de nickel, le cobalt, etc., tout ça s'est mis en place au fond de l'océan. C'est de la croûte océanique. Et puis, la Nouvelle-Calédonie est ressortie de la mer il y a 37 millions d'années. Donc, c'est beaucoup plus récent que les 180 qu'on imaginait avant. Ça reste très ancien. Il n'y a pas d'île au Vanuatu qui est plus de 3 millions d'années. Donc, 37... C'est la plus ancienne île océanique. Oui. Simplement, de la planète. Donc 37 millions d'années. Et puis, une mosaïque de climat, de substrat géologique et de relief. Bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas une île plate. Hein. C'est un porte-avions couvert de chaînes de montagnes dans tous les sens, avec une mosaïque de climat et de type géologique. Mais enfin, bon, c'est extraordinaire. Vous faites 30 km, vous changez de pays, quoi. Et une mosaïque de biodiversité aussi très particulière, contrairement à d'autres territoires que vous avez pu explorer. Je pense à la Guyane, où finalement, on trouve dans un morceau de forêt amazonienne ce qu'on va trouver dans 80% du pays. En Nouvelle-Calédonie, on trouve à un endroit quelque chose de totalement différent à 5 km d'écart. Exactement. En quelque sorte. Alors, c'est ce qu'on appelle le micro-endémisme. Voilà. Alors, Philippe en parlera mieux que moi, mais en gros, ça veut dire que les espèces sont d'abord de taille de population très faible, et elles sont distribuées sur des tout petits morceaux du territoire. Un papier est sorti cet été, dont l'un est des auteurs d'ailleurs, Philippe Grandcola, est le responsable du volet entomologique de l'opération, c'est lui qui l'a coécrit. Et pour une fois, il y a eu une tentative de quantifier ce qu'on appelle le micro-endémisme. C'est en gros plus d'une espèce sur 10 animale vit sur un territoire qui fait moins de 10 km². Voilà. Et quasiment 20% des espèces animales vivent sur un territoire très très restreint en Nouvelle-Calédonie. Sachant que, pour donner l'échelle, la grande terre de Nouvelle-Calédonie fait environ 16 000 km². Donc, évidemment, quand vous allez à un endroit, vous ne pouvez pas dire, une fois que vous avez mis des scientifiques sur le terrain, utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables de collecte, on a fait le boulot. Non, il faut changer d'endroit. Et quand vous changez d'endroit, vous allez découvrir une faune quasiment différente selon la vallée où vous êtes, selon le sommet de la montagne où vous vous trouvez. Vous allez trouver des choses différentes. D'où l'idée d'être beaucoup plus itinérant dans cette opération-là et de couvrir un maximum de terrain pour découvrir un maximum de choses. Oui, Philippe Bouchet. Bon, ce qui vient d'être dit là, c'est tout à fait juste. Mais on n'a pas beaucoup parlé du marin. Bien sûr. Ce qui vient d'être dit là ne s'applique pas au marin. Donc la Nouvelle-Calédonie a la deuxième plus grande barrière récifale du monde après l'Australie. Elle a des récifs coralliens en très bon état, dont une grande partie est inscrite au site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis quelques années. Et je dirais qu'il n'y a pas dans le marin l'isolement, ce que je décrivais, le morcellement, il n'y a pas cet isolement qu'il y a sur Terre. D'une certaine façon, un récif corallien en Nouvelle-Calédonie n'est jamais à plus de, un petit nombre de semaines de larves planctoniques de la grande barrière australienne. Donc en gros, voilà. Donc l'endémisme, on ne parle même pas de micro-endémisme, mais l'endémisme qui est de 75% pour la flore à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, il est de l'ordre de 5% en marin. Voilà. Donc, ce qui fait l'originalité et l'excitation de l'exploration des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie pour la biodiversité négligée, c'est pas la découverte de l'endémisme, c'est l'exploration de récifs coralliens en bon état, qui sont très riches en biodiversité. Néanmoins, vous avez également étudié les eaux souterraines et nappes phréatiques, des écumements fluviaux, et là, pour le coup, vous avez trouvé des choses très intéressantes. Alors, si on revient sur Terre, donc le module hydrobiologie, on a exploré non pas des endroits difficiles d'accès, je dirais que le sous-écoulement des fleuves, alors c'est quoi le sous-écoulement ? Vous avez un pont, vous avez une rivière qui coule dessous, elle coule pas dans un lit en béton. Donc l'eau pénètre au fond. Elle pénètre et elle s'écoule dans le sous-écoulement. Donc entre les grains de sable, entre les graviers, vous avez un milieu qui rapidement, au bout de 50 cm, il fait noir. L'eau s'écoule et il y a une faune tout à fait particulière dont on ne soupçonnait même pas l'existence, y compris en Europe, y compris en France, jusqu'aux années 50. Donc en fait, ce sont les biologistes français et roumains qui ont découvert ce sous-écoulement dans les fin des années 50. La Nouvelle-Calédonie est le premier endroit dans le Pacifique où des collègues de l'Université de Lyon, Christophe Douady, Florian Mallard, sont venus avec leur savoir-faire explorer un milieu qui, a priori, bon, je veux dire, c'est... On se balade en bagnole, on s'arrête sur une route goudronnée sur un pont. Je veux dire, c'est pas et on descend dans le sous-écoulement et on découvre des faunes entièrement inconnues. Toutes les crustacés, tous les mollusques. Alors c'est pas des centaines d'espèces, c'est des milieux avec des toutes petites espèces, relativement pauvres en espèces, mais tout était absolument inconnu. Donc voilà, la planète revisitée prend tout son sens. Pas besoin de faire les 18 heures de route dans la jungle comme en Guyane pour aller très très très loin de la ville. On va parler justement de ces notions de micro-endémisme, mais surtout de la transformation du travail de naturaliste qui a bien entendu changé énormément, bien sûr, depuis le 18e siècle, mais également depuis les années 50, voire depuis les années 80-90 avec l'apparition de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes d'échantillonnage génétique. Nous sommes donc aller assister à ce travail en réseau, ce travail a posteriori qui casse avec l'image un peu solitaire du naturaliste avec sa loupe face à de la flore ou de la faune inconnue. Bonjour Antoine Beauchamp. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Effectivement, vous êtes encore là et vous êtes rendu, justement au Muséum d'Histoire Naturelle pour comprendre en quoi consiste ce travail de néo-naturaliste. Oui, j'ai rencontré Nicolas Rabet qui est maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle au sein de l'unité Biologie des organismes et écosystème aquatique sur la diversité des crustacés. Plus particulièrement, il étudie leur évolution et comment on est arrivé à la diversité qu'on observe aujourd'hui. Dans le cadre de la planète revisitée, il a été faire des relevés de micro-crustacés dans des mares temporaires de Nouvelle-Calédonie. Il m'a expliqué l'importance de ce genre d'expédition naturaliste pour ses recherches et comment il travaille sur les échantillons qu'il a ramenés de cette expédition. Moi, je fais de la taxonomie, mais aussi de la systématique. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi aux grandes relations qui existent entre les groupes, mais ça repose sur un travail de taxonomie, identifier les espèces, nommer les espèces. Alors là, on se trouve devant une série de frigidaires. Et à l'intérieur, montrez-moi un petit peu ce qu'il y a et si vous pouvez me décrire un petit peu ces espèces que vous avez ramenées d'expédition. Alors là, c'est un peu notre trésor en fait. C'est plusieurs semaines de travail. Moi, en ce qui me concerne aussi des élevages, donc les animaux sont stockés d'une manière assez simple au final. On les classe, on les met dans des petits tubes et on les sépare par espèce. Donc là, c'est une collection de travail. Donc ici, on va voir... de nombreux représentants issus de différentes localités, d'espèces plus ou moins proches. Alors, donc là, vous avez une boîte avec beaucoup de petits tubes. Et dans ces tubes, qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, ce sont des micro-crustacés. Alors, ils ne sont pas tous toujours petits, mais il y a plusieurs espèces. Ici, c'est une localité, donc avec un numéro, une référence, puisque c'est la collection de l'année dernière. Et étape par étape, quelle est la vie d'un de ces échantillons que vous avez ramené et comment vous travaillez dessus concrètement au quotidien ? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment deux types d'échantillons. L'échantillon collecté sur le terrain quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire moi après une pluie. Mais le plus souvent, mes échantillons sont extrêmement volumineux et il s'agit de sédiments en fait. Et les sédiments, je les rapporte au laboratoire pour étudier les formes de résistance. Ensuite, j'élève les œufs. Qu'est-ce qu'on appelle forme de résistance ? Alors, en fait, ce sont des œufs produits par ces animaux. Et ces œufs permettent à ces animaux de survivre à l'assèchement et servent aussi à la dispersion. Donc, je les étudie, j'élève les animaux et ensuite, ils se retrouvent à côté de ceux qui ont été collectés sur le terrain. Ça, c'est une méthode spécifique aux mares temporaires car en général, les animaux vivent très peu de temps, parfois seulement 2-3 semaines et on a très peu de chances de les voir sur le terrain. Donc, on amène le terrain au laboratoire. Et donc là, ces échantillons, ils viennent d'où ? Alors ça, ces échantillons, ils viennent de Nouvelle-Calédonie, à différents endroits. Ici, c'est de la région de Kumak. Hein. J'ai identifié beaucoup d'espèces dans la région de Kumak. Mais il y en a aussi à Nouméa, il y en a aussi dans le Grand Sud et à Yengen, par exemple. Alors, il n'y a pas que dans ce grand frigidaire qui est bien rempli, il y a aussi des poissons qui sont dans des petits bocaux. Expliquez-moi un petit peu d'où ils viennent. Nous, on travaille en équipe. Hein, donc, dans notre équipe, il y a différents groupes qui sont étudiés. Et l'essentiel des organismes ici sont des poissons. Et parce qu'on s'intéresse à des problématiques de colonisation insulaire. Donc, c'est des poissons qui viennent d'îles pas forcément loin de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs. Alors, sur des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu des territoires mythiques. Hein. Il y a beaucoup de diversité à encore identifier et qui sont d'ailleurs menacées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est un challenge parce que moi, en ce qui me concerne, je ne suis jamais sûr de trouver une grande diversité d'organismes. Et donc, je m'efforce sur le terrain d'en trouver. Donc, c'est un moment important de l'année où on consacre beaucoup d'énergie physique pour arriver au final à récolter quelques animaux, mais qui nous permettent de comprendre la diversité locale. Et c'est tout ce travail d'identification qui aujourd'hui doit être un peu accéléré. Et peut-être qu'il y a des méthodes comme la génétique, je ne sais pas, est-ce que ça rentre en compte ? Est-ce que tous ces travaux-là, par exemple, d'identification de l'ADN de ces espèces est importante ? Et comment vous travaillez avec ces travaux génétiques ? Alors moi, je fais effectivement beaucoup de génétique, comme beaucoup de mes collègues aujourd'hui au muséum. La morphologie, c'est important, mais ça ne suffit pas. Et notamment dans des îles comme la Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de micro-endémismes. Et ce micro-endémisme, on le découvre en étudiant en détail des gènes. Et on comprend l'évolution des organismes à travers l'évolution de ces gènes. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps, ça coûte assez cher. Et c'est indispensable aujourd'hui pour faire de la taxonomie moderne. Et concrètement, comment on pratique cette identification ADN des prélèvements ? Alors l'identification, elle est morpho-anatomique, classique, hein, je dirais, la taxonomie du siècle dernier. On la réalise aussi et on s'efforce de réaliser les extractions d'ADN à partir des échantillons qu'on a identifiés. Pour ensuite vérifier s'il n'y a pas plusieurs espèces dans nos premiers tris. Et ensuite, on revient aux échantillons pour les décrire de manière moderne. Donc ici, c'est le stockage des spécimens. On les stocke au froid parce que l'ADN n'est pas conservable, se conserve moins bien à température ambiante. Et là, l'autre mode de conservation pour moi, c'est la terre. Donc en fait, je ramène des sédiments. Et ces sédiments, ils sont précieux parce qu'ils contiennent à l'intérieur des sacs des œufs de résistance. Et c'est ces œufs-là qu'on va rechercher. Et il n'y a pas que mon groupe qui est concerné par ces formes de résistance. Il y a énormément de groupes. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'essayer d'explorer la diversité des mares temporaires. Alors, il y a énormément de choses que j'ai identifiées en Nouvelle-Calédonie, mais beaucoup d'espèces seront précisément identifiées au niveau de l'espèce par d'autres spécialistes. Ça, c'est aussi une chose intéressante. Et ça prend combien de temps, à peu près ? Il faut plusieurs années, en général, pour arriver à exploiter complètement une mission de cet ordre-là. Il y a vraiment pratiquement des centaines d'espèces qui n'étaient pas répertoriées de Nouvelle-Calédonie dans les mares temporaires. J'espère qu'on arrivera à toutes les identifier. Ça, c'est un autre problème, c'est de trouver des spécialistes. Moi, je me suis occupé finalement d'un groupe qui est assez gros, donc il y a assez peu d'espèces, mais c'est tout le reste qu'il va falloir aussi étudier pour connaître finalement la vraie diversité locale en Nouvelle-Calédonie. Voilà une autre des facettes de ce travail, de ces expéditions La Planète Revisitée. On entend bien aujourd'hui la nécessité, l'urgence dont on va reparler dans quelques secondes, mais aussi la nécessité absolue de travailler en réseau, de ne plus travailler de façon isolée, mais bien de travailler avec du travail sur le terrain, du travail d'analyse a posteriori, du travail de taxonomie. Philippe Boucher, c'est ça qui a changé profondément la nature du travail du naturaliste. Voilà, tout à l'heure, je mettais en avant le fait qu'on peut être un excellent spécialiste de tel ou tel groupe de coléoptères, et puis pas savoir, pas être un bon communicant, pas être patient avec des partenaires sur le terrain, avec des stagiaires et tout ça. Mais on a aussi beaucoup de difficultés à avoir les gens qui sont des bons naturalistes sur le terrain, qui savent trouver les organismes, et puis être à l'aise au laboratoire avec les techniques modernes de séquençage. Tous les programmes informatique pour traiter ces données-là, etc. Donc tout ça se fait en équipe maintenant. On entend aussi, pour conclure cette émission dans les quelques dizaines de minutes qui nous restent, aussi, le problème que j'évoquais au tout début de cette émission, qui est celui de l'urgence qui vient d'être abordée, c'est de se dire, est-ce qu'on va avoir le temps de recenser tout le vivant compte tenu de la rapidité de l'extinction qui est en cours, dont vous allez nous dire un mot. Mais selon vous, Olivier Pascal, l'inventaire global du vivant est possible? Ben oui, bien sûr qu'il est possible. Alors on a, comme le disait Philippe tout à l'heure, on a sorti des très gros chiffres dans les années 80-90, souvent d'ailleurs pour bizarrement interpeller, faire le buzz comme on dit, et puis ça s'est un petit peu retourné contre les porteurs de messages, parce que d'autres ont dit, s'il y a autant de bestioles comme ça, on n'en verra jamais la fin, c'est infini, donc finalement... on va faire plutôt du travail d'écologie, et puis on va faire de la statistique, et puis on n'a qu'à baisser les bras. Or, depuis quelques années, en tout cas depuis, je dirais, le début des années 2000, on s'aperçoit quand même, comme l'a dit Philippe, notamment sur ce nombre d'insectes qui est un petit peu l'objet qui varie, l'inflation dans un sens, que le nombre se réduit maintenant. Et pas mal de travaux qui ont été publiés dans les 5 dernières années qui montrent que non, il n'y a pas autant d'espèces que l'on pensait. Alors, du coup, la bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas autant d'espèces que l'on pensait, si on parle effectivement de 5 à 6 millions d'espèces d'insectes, évidemment, il est tout à fait possible, à condition qu'on y mette les moyens, mais enfin ça c'est une question politique, je dirais, plus qu'autre chose, d'en faire le tour, à mon avis, à l'horizon d'une génération. Donc le catalogue du vivant, il peut être complété dans les 25 ou 50 prochaines années sans véritable problème. C'est simplement une décision de financer ce genre d'activité. Mais c'est tout à fait possible, à mon sens. Vous partagez cet avis, Philippe Boucher. Vous pensez que si on prend la mesure justement de l'importance du recensement du vivant, qui soit pas un recensement utilitariste, non pas pour dire on va trouver une nouvelle grenouille qui va nous permettre de développer tel médicament, mais juste pour avoir une connaissance de l'ensemble du vivant de cette planète, il suffit d'un peu d'argent, d'un peu de volonté politique pour y arriver? Non, je suis pas un optimiste. Voilà, je partage pas. Je me rappelle avoir lu récemment un interview de Finkielkraut. Il disait, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous êtes heureux? Et il concluait en disant, les pessimistes pensent qu'une catastrophe va arriver. Je ne partage pas leur optimisme. Bon, je suis dans cette... Je pense que tous les indicateurs de la biodiversité sont au rouge, dans des sociétés qui, certes, ont... on va dire, les moyens intellectuels, les moyens techniques, les moyens économiques de décrire et d'inventorier cette biodiversité. Ce qui manque, c'est notre rapport à la nature. Je dirais, la plupart des gens se foutent complètement, je veux dire, de savoir que bon, tout ça va disparaître. Une comparaison que j'aime faire, c'est avec les langues. Il y a à la surface de la planète 5 à 7 000 langues différentes. Bon, la plupart de ces langues sont comme la biodiversité. Elles sont en voie de disparition, elles ne sont plus parlées que par quelques centaines de personnes, peut-être un petit millier de personnes. Prise objectivement, chacune de ces langues n'est pas porteur de grands messages pour l'humanité, n'est pas le véhicule de découvertes technologiques. Mmh. Et pourtant, on considère que l'avenir de l'humanité, c'est pas de laisser crever ces langues. Olivier Pascal. Philippe, j'ai dit que c'était possible. Après... Que ça se passe ou que ça se passe pas, en tout cas, la possibilité est réelle de pouvoir faire cet inventaire. C'est une question de motivation. Et nous, quand on passe à la radio, il faut être optimiste. Il faut être positif. Ce qui n'est pas la même chose d'être optimiste. C'est une autre émission qu'on va avoir bientôt sur comment parler, comment décrire aujourd'hui le monde réel et ne pas tirer toujours de cette description un discours alarmiste en disant on va vers la catastrophe. Ça, on en reparlera, on prendra une heure complète pour en parler. J'aimerais tout de même vous entendre sur une chose. Il y a aujourd'hui une sorte de millefeuille de conventions internationales, d'actions nationales, d'agences intergouvernementales, tout ça avec pour objectif de préserver cette biodiversité. Est-ce que, à votre avis, ce déploiement, ce millefeuille-là, est suffisant? Est-ce que il a les moyens de préserver cette biodiversité, le temps au moins qu'on la recense, Olivier Pascal? Les moyens sont là. Maintenant, ils sont pas forcément dédiés au domaine d'activité qu'on mène Philippe et moi. En revanche, on a, je sais pas, pour finir peut-être sur une note un peu donc positive, on a par exemple un contact avec la nouvelle agence française de la biodiversité, et je pense qu'elle est entrée en vigueur en janvier dernier. Voilà, et qu'elle est tout à fait prête, je dirais, à nous aider dans des projets de ce type, évidemment sur le territoire français, ou on va dire métropolitain ou outre-mer, mais bon, voilà, une nouvelle agence créée qui, je pense, nous aidera dans ce domaine-là. Donc il y a il y a des moyens. Et c'est aussi à nous de les mobiliser. Je pense que aussi, si on a eu un succès depuis 10 ans pour monter des expéditions, c'est parce qu'on a vendu ni des projets de recherche pointus où les entreprises ou les fondations auraient eu l'impression de se substituer, je dirais, à l'action de l'État. Et puis qu'on n'a pas effectivement tenu un discours ni culpabilisateur, ni alarmiste. Maintenant, effectivement, on a tenu ce discours de l'urgence. Mais en même temps, on envoie un message. On vit dans un monde qui est saturé de mauvaises nouvelles sur l'environnement. Et d'une certaine façon, notre message, c'est de dire « Putain, on est au début du 21e siècle, c'est encore formidable, la planète reste à explorer. » Ça, c'est positif. Eh bien, on va s'en tenir à cette note positive. Merci beaucoup, Philippe Boucher. Merci beaucoup, Olivier Pascal. Et puis, on vous fera revenir, parce qu'on n'a pas du tout fait le tour de la question, à votre tour de Nouvelle-Zélande. Vous nous raconterez, de Nouvelle-Calédonie, pardon, non pas de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, pour nous raconter précisément comment a avancé cette mission d'exploration. Et puis, pour parler aussi des prochaines, parce qu'après la Nouvelle-Calédonie, il y aura d'autres missions. Et vous viendrez nous en parler avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Noémie Neguet, Saint-Vulf, Céline Lezen, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur.